Déco Meubles, bonjour. Salut Alix, c'est Pauline. Tu as un moment? Oui, mais dépêche-toi. Ce matin, j'ai 1000 choses à faire. Ok, c'est rapide. C'est pour ma sœur et Arthur. Dis-moi. Ils viennent de rentrer de Belgique et ils cherchent un appartement. L'appart de Thomas est libre, non? Oui, il vient de déménager. Il est à Rennes. Son père va louer le deux pièces. Ah super! Il est où? En banlieue, je crois. Oui, à Palaiseau. C'est assez loin d'ici, mais le RER passe tout près de chez lui. En 40 minutes, on est à Bastille. Et il est bien l'appart? Je ne le connais pas, mais apparemment, il est clair et calme. Il a une chambre et un grand salon. Et la cuisine? Elle est tout équipée. C'est à quel étage? Au troisième, sans ascenseur. Bon, ça fait du bien un peu de sport. Et enfin, la question. Il est cher? Pas trop. Le père demande aussi une caution. Attends une seconde, il y a une cliente. Bonjour Madame Châtel, vous voulez voir Monsieur Lambrouni? Asseyez-vous, je vous prie, il ne va pas tarder. Bon, je dois te laisser. D'accord, je vais voir avec Thomas. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler tout de suite. Non, ne l'appelle pas aujourd'hui, il est à Londres pour le boulot. Rappelle-moi plus tard. Ciao.